Fable indienne, le combat intérieur. Un vieil indien Cherokee apprend la vie à son petit-fils. Un combat a lieu à l'intérieur de moi, dit-il au garçon. Un combat terrible entre deux loups. L'un est mauvais. Il est colère, envie, chagrin, regret, avidité, arrogance, apitoiement sur soi-même, culpabilité, ressentiment, infériorité, mensonge, vanité, supériorité et ego. L'autre est bon. Il est joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Le même combat a lieu en toi-même et à l'intérieur de tout le monde. Le petit-fils réfléchit pendant une minute, puis demande à son grand-père. Mais alors, quel sera le loup qui vaincra? Le vieux Cherokee répondit simplement : Celui que tu nourriras.